Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Arthur Gosset. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens forcément avant tout à remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui me permet de vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, comme Arthur. Arthur, toi, tu es auteur et réalisateur du film Rupture. C'est un documentaire sur le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et pour ces vacances d'été qui arrivent, là, je souhaite proposer un format d'échange un peu différent pour prendre de la hauteur sur les métiers de demain et leur place toute particulière en 2030 glorieuse. Nous allons donc parler ensemble des signaux faibles de ce ras-le-bol de plus en plus généralisé face aux métiers qui continuent de faire tourner la grande roue du capitalisme. On va parler du pouvoir du non, mais aussi de toutes les nouvelles croissances qui sont visées par celles et ceux qui veulent participer à la construction de ces 2030 glorieuses dans leur vie professionnelle. Pour commencer cet échange, Arthur, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de l'interview. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te demandent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» alors que tu les rencontres pour la première fois de ta vie, justement. Merci déjà, Julien, de me donner la parole. C'est une question compliquée. Souvent, je dis « Ma vie est très compliquée. » Qu'est-ce que je fais dans la vie ? En fait, je mets toute mon énergie déjà à la transition, justement, à tenter au maximum de contribuer au bien commun. Comment ça s'exprime, comment ça se matérialise. En fait, je réalise des documentaires en lien directement avec l'urgence écologique et sociale et justement les nouveaux imaginaires dont on a besoin. Donc j'ai réalisé déjà un documentaire qui s'appelle Rupture, qui est sorti effectivement en septembre 2021. Et puis en parallèle de ça, j'ai quelques autres activités. Je suis un petit peu mon cours et mes envies tout en trouvant l'équilibre financier. Et en parallèle, je suis diplômé je suis ingénieur environnemental en fait. Mais je n'exerce pas du tout en tant qu'ingénieur environnemental pour l'instant. Peut-être que dans 10 ans, je me dirais c'est là que j'ai le plus d'impact, donc je redeviendrai ingénieur environnemental. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc voilà. Mais je me questionne au quotidien sur l'endroit où je me sens le plus efficace. Je suis vraiment très heureux de te donner la parole, Arthur, parce que tu as vécu tout un tas de chamboulements, je pense, dans ta chair et autour de toi qui t'ont amené justement à faire ce que tu fais en ce moment et à suivre ton instinct. Et dans cette mise en mouvement, il y a plein de choses que tu vas nous dire et cet échange s'annonce passionnant. Je disais en début d'interview qu'on va prendre de la hauteur là pendant les quelques semaines à venir, et si je donne la parole à des gens comme toi, ça change un peu parce que d'habitude dans le podcast je donne la parole à des personnes qui font directement ces métiers que j'identifie comme des métiers des 2030 glorieuses. Toi, tu vas nous apporter un pas de côté, un regard extérieur, une prise de recul hyper intéressante. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup se poser la question du pourquoi. Je trouve que trop souvent, sur ces sujets qui nous intéressent et qu'on partage, on se pose beaucoup la question du comment. Encore un peu trop tardivement la question du quand aussi, mais c'est beaucoup bon. Alors comment il faut y arriver, quelle solution, comment, alors qu'en fait on revient pas à la racine de justement pourquoi on doit changer et pourquoi on peut plus tolérer le monde comme il est actuellement. Donc j'arrive, et excuse-moi d'avance, avec tout un tas de pourquoi, tout un tas de questions. J'ai l'impression d'être un enfant de 2 ans, 3 ans qui arrive avec toutes ces questions. Et pourquoi, mais ça va être comme ça là toute l'interview, tant pis. Et ma première question, mon premier pourquoi, c'est pourquoi cette envie de faire ce documentaire en parallèle de tes études, d'autant que tu n'as pas fait des études dans, comme tu disais, l'audiovisuel. Pourquoi, effectivement, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, pour mettre un peu dans le contexte, on est en 2018. En 2018, moi, je suis en deuxième année à Centrale Nantes, donc une école d'ingénieurs. À ce moment-là, en fin 2018, ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu toutes les marches pour le climat à partir de septembre, après la démission de Hulot en direct. Il y a eu le manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui est en fait un texte fort signé par près de 30 000 étudiants dans les grandes écoles qui réclament à la fois des formations à la hauteur des enjeux et en même temps des métiers, et qui disent finalement, à partir d'aujourd'hui, on refuse d'aller travailler dans des entreprises qui ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux. Donc c'est un texte vraiment très fort qui tourne beaucoup dans les grandes écoles. Et puis il y a le fameux discours d'un diplômé de Centrale Nantes qui s'appelle Clément Chouanne et qui fait le buzz lors de sa remise de diplôme en 2018. Et ça nous fait, en fait, il met les mots sur ce qu'on est très nombreux à ressentir dans les grandes écoles à ce moment-là, c'est-à-dire une forme de désarroi, un décalage, des dissonances au quotidien entre ce qu'on apprend et l'urgence que petit à petit, en même temps, on lit à côté de nos études, dans les rapports scientifiques, dans les documentaires qu'on regarde, l'urgence écologique qui est très présente et on a l'impression de ne pas être formé pour ces métiers-là, non seulement, et puis surtout, on a l'impression que les métiers vers lesquels on nous destine prennent pas forcément en compte ces enjeux, quoi. Si on ne se pose pas la question, on peut très facilement se retrouver à contribuer aux désastres écologiques et aux injustices sociales. Donc, il y a une forme de désarroi très présente, en fait, autour de nous. Et je me rends compte qu'autour de moi, j'en fais partie de ces jeunes qui se questionnent, qui sont un peu paumés face à tout ça, en se disant, est-ce que vraiment je suis à ma place, par exemple. Et puis, autour de moi, j'ai des copains, des amis dans différentes écoles, pas que des écoles d'ingé, qui elles-mêmes se posent des questions et qui expérimentent des choses. Et notamment, une très bonne amie de Centrale Nantes, avec qui on était engagés tous les deux dans l'associatif à Centrale, et qui décide de s'engager en deuxième année, faire son stage dans une association qui s'appelle La Bascule, plutôt que d'aller travailler dans une grande entreprise. La Bascule, pour expliquer rapidement, en fait, c'est une association qui rassemblait une cinquantaine de jeunes étudiants qui voulaient expérimenter de nouvelles manières de vivre dans un tiers-lieu, de façon plutôt autonome, donc très intéressant, et qui voulaient contribuer 100% de leur temps à la transition écologique et sociale. Et en fait, quand elle fait ce choix de s'engager dans l'associatif, son père décide d'arrêter de lui parler, parce que pour lui, c'est un échec. Donc là, je me dis, les choix qu'on est amené à faire peuvent être complètement incompris et mener à des ruptures sociétales quand même assez fortes. Y compris, moi, je voyais que mes parents avaient un peu de mal à comprendre parfois mes choix et mes points de vue. Donc, je ressens le besoin, au fond, de suivre six amis qui sont entrés en rupture, qui rentrent en rupture, pour tenter d'expliquer pourquoi, justement, et c'est super intéressant que tu décides de te tourner vers le pourquoi. Pourquoi on est amené à faire ces choix et de quelle manière ça se matérialise, en fait. Est-ce que tu ressentais aussi le fait que ces signaux faibles de ces affirmations des étudiants qui disaient très fort, tout haut, les études qu'on mène, les emplois auxquels on est destiné ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre siècle. Est-ce que tu sentais que ces discours, ils n'étaient pas pris au sérieux? Est-ce que c'est vrai qu'avec un peu de recul, tu disais que ça, c'était en 2018, on est en 2022. J'ai l'impression que c'est à peine maintenant qu'on se dit « Non, mais quand même, il y a beaucoup trop d'étudiants qui nous disent ça, il va falloir un peu l'écouter. » Et à la fois, j'entends encore beaucoup du côté des journalistes, des experts, mais aussi sur des réseaux sociaux plus ou moins profonds, notamment sur LinkedIn, je vois encore pas mal de gens qui dénigrent ces postures des étudiants comme des caprices, une incompréhension des enjeux, de leur capacité à vraiment changer. Est-ce que tu aurais tendance à dire que tu voulais faire ce porte-voix-là parce que tu avais l'impression que ces messages n'étaient pas pris au sérieux? Oui, complètement. En 2018, pour le coup, ça fait quand même pas mal le buzz. On commence à en parler pas mal, notamment parce qu'il y a le manifeste étudiant, qu'il y a le discours de Clément Chouanne. Donc, il y a, donc ça, voilà, c'est, et c'est pour la première fois d'ailleurs hein, qu'on en parle autant. Donc, ça vient sur le devant de la scène pendant quelques mois. Dans les écoles, notamment, ils se rendent compte qu'il y a une lame de fond. Donc, on t'en parle avec les grandes écoles, en école d'ingé, en école de commerce. C'est vraiment à partir de 2019 qu'elles ont commencé à notamment créer des postes à temps plein, juste uniquement dédiés aux questions des DRS, donc développement durable et responsabilité sociétale, c'est comme ça que ça s'appelle dans ces écoles, qu'ils ont commencé à créer des groupes de travail en rassemblant des étudiants, des permanents, des staffs pour réfléchir à la transformation des cursus. Donc la question dans les écoles est prise au sérieux, je pense, en tout cas commence à être prise au sérieux en 2018. Maintenant, c'est vrai que dans la société civile, pas du tout. De manière générale, pas du tout, et encore aujourd'hui, pas du tout, j'ai l'impression. On est en 2022, les discours ont quand même bien évolué, parce qu'en 2018, Clément Chouanne, quand il fait son discours, il dit « je doute et je m'écarte ». En 2022, je ne sais pas si tu te souviens, le discours des diplômés d'AgroParisTech il y a quelques semaines, ils doutent plus, quoi. Ils se présentent, ils présentent ce qu'ils font, ils sont dans l'action, ils sont dans l'impulsion de nouveaux imaginaires, ils sont plus dans le doute. Donc en 4 ans, il y a quand même une évolution de la radicalité, dans le bon sens du terme. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu autant de réactions vives, effectivement, sur les réseaux sociaux et dans la presse, notamment après le discours d'AgroParisTech et cet appel à bifurquer. Voilà, c'était moi ça m'a un peu saoulé parce que c'était tout blanc, tout noir, quoi. C'était soit ah oui, c'est des gros lâches, il faut absolument pas quitter le système. Ils ont été formés pour aller dans le système et le transformer de l'intérieur. Soit au contraire, non, il faut absolument pas travailler dans le système, il faut en sortir et en réalité, quand on regarde le mouvement un peu plus en profondeur, et d'ailleurs, les quelques personnes qui s'intéressent à cette question-là, notamment Marine Miller, la journaliste du Monde, qui a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle La Révolte, ben, tous te diront que c'est un mouvement beaucoup plus complexe. Nous, depuis septembre, ce qu'on voit, on a fait à peu près 150 projections depuis septembre, on a rencontré 25 000 étudiants. Effectivement, la radicalité évolue. La manière dont elle s'exprime est beaucoup plus complexe que simplement sortir du système, entre guillemets, ou y rester, quoi. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Après, voilà, encore une fois, pour répondre à ta question, oui, on continue de le projeter partout parce qu'on estime que c'est pas forcément compris et que voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, notamment cette question de ben, en fait, voilà, c'est souvent des petits blancs qui ont des privilèges qui font ça, c'est la petite caprice de bourgeois. Et on n'aborde pas du tout la question de la responsabilité que comportent nous, diplômés de ces grandes écoles-là, ayant eu accès à ce savoir, la responsabilité qu'on porte vis-à-vis de l'urgence écologique. Ouais, on va y revenir. Mais avant ça, on disait, tu vois, que ce message, il était assez peu entendu, malgré tout, malgré le buzz, malgré les vues sur les réseaux sociaux. Il est assez peu entendu dans le sens où il est pas très commenté par les médias et encore moins par le monde politique, qui normalement devrait être à l'écoute, hein, de ces tremblements de la société pour pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Moi, j'aimerais quand même, tu l'as très succinctement dit tout à l'heure et j'aimerais qu'on y revienne. Pourquoi ce message, ce refus de parvenir, hein, presque, cette volonté elle, de ne pas participer à la prédation généralisée de l'être humain sur le vivant, finalement, elle choque? Pourquoi elle surprend? Pourquoi elle remue? Alors, quand ça vient des parents, c'est vrai que sur le coup, on peut se dire quand même terrible quoi cette réaction-là, terrible de ne plus parler à son propre enfant, tout simplement parce qu'on est déçu de cette manière de son choix d'orientation. Quand on creuse, en fait, il se trouve que il y a une forme d'incompréhension de la part des parents, mais surtout il y a une forme de peur. En fait, il y a la peur de se dire que ma fille, mon fils sort du système et donc n'aura pas accès à une forme de stabilité parce que eux ont grandi. Donc, quand on parle des parents qui aujourd'hui ont 50, 60 ans de la génération X, ont grandi, la plupart ont fait carrière d'une certaine manière. Et pour eux, la sécurité, c'était notamment la sécurité financière, c'était la condition sine qua non pour accéder au bonheur. Il fallait avoir un emploi stable, de préférence un CDI, dans une entreprise stable. Donc, c'est comme ça qu'ils ont grandi. Ils ont conscientisé cette stabilité-là, ils l'ont associée au fait d'avoir un emploi stable. Et là, vous avez une nouvelle génération qui rentre, et ce n'est pas uniquement les jeunes diplômés, en fait, c'est la génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi, qui a des attentes complètement différentes vis-à-vis du monde du travail et qui veut expérimenter plein de choses différentes. Et ça fait peur aux générations X, notamment en se disant, mais comment est-ce qu'ils vont trouver leur stabilité financière? Est-ce que vraiment ils pourront être heureux, quoi? Donc c'est pour ça qu'il y a cette démarche de notamment redéfinir ce qu'est la stabilité, redéfinir surtout ce qu'est la réussite aussi. La réussite, c'est pas travailler dans une belle boîte avec un beau salaire, avec un beau statut social. Non, c'est nous, tel qu'on définit la réussite en tant que jeune diplômé aujourd'hui, et on n'est pas les seuls à définir comme ça, c'est le fait de contribuer autant qu'on peut au bien commun, en fait. Et il y a des personnes, encore une fois, je dis, c'est surtout pas une question de génération, hein, il y a des personnes de tout âge qui ont aussi cette vision-là. Donc, je pense qu'il y a une forme d'incompréhension qui peut mettre certaines personnes dans une forme de colère. Après, peut-être que vis-à-vis d'elles-mêmes aussi, il y a une forme de colère. Je veux dire, mais moi, est-ce que finalement, ces jeunes diplômés qui sortent du système, ils nous reprochent, nous, d'avoir travaillé pendant 30 ans dans une entreprise? Moi, à l'époque, je me posais pas de questions, donc c'est injuste de nous en vouloir, etc. En fait, non, il n'y a pas de pointage du doigt chez ces jeunes diplômés qui bifurquent, pas du tout. Mais voilà, pour des personnes qui peut-être, je me dis, hein, peut-être ont travaillé dans le système et ont contribué au désastre écologique et social, peut-être qu'ils se disent, voilà, ça les met en colère d'une certaine manière parce qu'ils se disent, je me sens attaqué, quoi. Et pourquoi tu disais aussi que ça provoque pas mal de réactions un peu où tout est opposé, où tout est noir, où tout est blanc, et de là même, et tu as utilisé ce terme, hein, à utiliser le mot de traîtrise vis-à-vis de ces étudiants qui décident de bifurquer. Ouais, bah alors, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui, enfin, ça peut être vu tout à fait comme le fait de, d'ailleurs, quand on dit déserter, c'est vraiment, moi, j'aime pas ce terme parce que c'est un terme lâche. Et c'est le fait de ne pas avoir de courage d'aller dans le système pour affronter les choses de l'intérieur et pour changer les choses de l'intérieur. Ce qui n'est pas du tout pris en compte dans cette démarche-là, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est l'individu en tant que tel. Tout le monde n'est pas fait, et ça, je le dis après avoir rencontré beaucoup de personnes et des personnes qui ont bifurqué de manière toujours très différente, et y compris des personnes qui sont allées dans le système avec une radicalité pour vraiment changer les choses de l'intérieur et qui y sont toujours... Bon, pour moi, là, déjà, pour juste définir ce que pour moi est la rupture, c'est quand on décide de mettre toute son énergie au service du bien commun et qu'on est capable de se questionner au quotidien sur, OK, est-ce que là, je suis à ma place? Est-ce que, en mettant de côté au maximum les injonctions sociales et financières? Donc, la rupture, c'est pas uniquement sortir du système, ça peut aussi être aller dans le système, aller dans la recherche, aller dans l'enseignement, dans les services publics, enfin, plein de manières de rentrer en rupture et de contribuer à la construction d'un nouveau monde plus vertueux, disons. Pourquoi est-ce que effectivement on reproche à ces jeunes parfois de dire mais en fait vous êtes des lâches, allez dans le système? Moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on prend pas en compte l'individu. Comme je le disais, il y a des individus qui ne sont pas faits en fait pour aller dans le système. Moi par exemple, j'en fais partie. Je suis pas du tout assez blindé pour au quotidien nager à contre-courant et me prendre des portes dans la gueule entre guillemets. Je tomberai en dépression directement, j'en suis convaincu. En revanche, je suis plus doué pour peut-être impulser des nouveaux imaginaires, justement, mettre en avant ces nouvelles manières de faire par le biais de documentaires, par exemple. Donc, du coup, je pense que c'est important de prendre en compte déjà que tout le monde n'est pas fait pour aller dans le système et de aussi valoriser et respecter ceux qui décident de sortir un peu du système pour impulser des nouvelles manières de faire. Après, moi, ce qui me dérange, c'est quand j'entends des personnes me dire « mais ceux qui sortent du système n'ont pas d'impact ». C'est faux pour deux raisons. C'est faux parce que, non seulement, aujourd'hui, dans le système capitaliste tel qu'il est fait, il y a beaucoup de projets vertueux qui ne trouvent pas leur équilibre financier parce que le système capitaliste ne leur permet pas. Je vais prendre l'exemple juste du maraîchage. Vous avez des maraîchers qui contribuent à faire vivre tout un village et qui financièrement galèrent, quoi. Et c'est hyper injuste. À côté de ça, des personnes qui peut-être vont travailler dans la finance à financer des projets à fort impact carbone et qui vont gagner 100 cas par an. Donc il y a une forme d'injustice par rapport à ça, et c'est nécessaire et super important qu'il y ait des personnes qui impulse ces nouveaux projets vertueux, qui les expérimente, qui montre que c'est possible, qui trouve les équilibres. Et ces personnes-là, finalement, elles se doivent aussi. Enfin, c'est beaucoup plus simple quand on a une forme de sécurité financière, une sécurité émotionnelle, à savoir notre diplôme. C'est plus simple d'impulser ces projets-là que quand on a 4 enfants à charge, un SMIC et qu'on galère financièrement, quoi. Donc, c'est aussi très important cette question de responsabilité. Et je t'en ai un peu parlé au début. Quand on est diplômé de ces écoles-là, on a un diplôme qui aujourd'hui vaut de l'or, on a accès à un savoir, c'est aussi nécessaire d'impulser les nouveaux imaginaires. Bon, et après, ça ne veut encore pas dire que soit on quitte le système, soit on reste dedans, on pourra en parler un peu après si ça se trouve. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez des personnes qui vont travailler sur un projet pendant deux jours par semaine et qui, le reste du temps, vont être à temps partiel dans une entreprise pour la transformer de l'intérieur. Donc, tout peut être aussi lié. Bon, voilà. Et la deuxième raison pour laquelle, en fait, ces jeunes qui sortent un peu... et qui expérimentent des nouvelles manières de faire ont un impact, c'est dans les problèmes de recrutement que ça pose au niveau des entreprises. Et nous, on le voit très clairement, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises dont la raison d'être, contribue au désastre écologique et aux injustices sociales, et au creusement des injustices sociales, elles ont beaucoup de mal à recruter. Alors, c'est pas uniquement lié à ça, mais ça en fait partie. Et du coup, ça pousse ces entreprises-là à se questionner profondément sur pourquoi elles ont du mal à recruter et à entamer une transformation. Et nous, ça, on le voit. Après, est-ce qu'elles sont capables de se transformer ou pas, l'avenir nous dira. Mais du coup, ça pousse vraiment ces entreprises à se questionner, alors qu'avant, enfin, faut le dire, à leur tête, certaines de ces entreprises-là, à leur tête, vous avez des personnes qui principalement voient l'intérêt économique avant tout, et qui aujourd'hui, vu qu'elles ont des problèmes de recrutement et donc ça leur pose des problèmes économiques, bah, se posent des questions. Donc ça a aussi un impact et c'est pas négligeable. Pourquoi changer aussi rapidement? Pourquoi exprimer ce refus, ce ras-le-bol aussi vite? On a des jeunes qui, parfois, attendent même pas d'avoir terminé leurs études pour changer de cap. Pourquoi cette crise de la cinquantaine avant l'heure avec une telle urgence? Je pense que c'est le refus de mettre... on n'est plus capable de mettre un centième de notre énergie dans une activité dont on sait qu'elle va contribuer, encore une fois, à ce désastre écologique. On n'est pas capable, simplement parce qu'on a conscience de l'urgence dans laquelle on est et à quel point il faut absolument que notre système change sous tous les angles, très très rapidement. Donc la nécessité de mettre toute notre énergie possible pour impulser de nouveaux possibles. Et aussi parce qu'on a grandi encore une fois avec des parents qui pour certains, ont travaillé 20 ou 30 ans dans la même boîte et qui parfois se sont fait balayer à coup d'un mail reçu rapidement pour dire que c'était fini. Donc c'est quand même une violence énorme. On a vu nos grands frères, nos grandes sœurs à 35 ans qui parfois ont essayé de changer les choses de l'intérieur et puis qui se sont épuisés et qui ont fini en burn-out à 35 ans. Donc aujourd'hui, vous avez des jeunes qui en fait juste refusent de reproduire ce qui a été produit avant, quoi. Veulent expérimenter de nouvelles manières de faire et surtout veulent être alignés avec leurs convictions. Ouais, c'est à la fois donc l'urgence écologique là qui est plus présente que jamais, mais j'entends aussi dans ce que tu me dis que la promesse de la carrière linéaire dans une entreprise dont on n'était qu'un rouage parce que il faut vivre pour travailler, ça tient plus, on n'y croit plus, il y a eu trop de casse en fait. Je crois qu'on y croit moins, ça c'est vrai. Et même nous, il y a quelque chose qui est très fort, dont on se rend compte depuis septembre et auprès de tous les étudiants et jeunes diplômés qu'on a rencontrés, c'est la peur de se faire broyer par le système. En fait, la peur des personnes si elles se disent, mais en fait finalement, si je rentre dans le système, si j'ai un job stable dans une belle boîte avec un beau statut social, j'ai peur de me perdre vis-à-vis de mes propres convictions. Et parce que je vais être valorisé socialement par mes proches, par mes parents, par mes grands-parents, parce que j'aurai un salaire confortable. Que du coup, je vais emprunter, je vais pouvoir acheter mon petit pavillon, puis je vais plus vraiment poser de questions vis-à-vis de l'urgence. Et c'est une peur assez nouvelle quand même, cette peur de se faire broyer et happer par le système. Moi, je pense que c'est une peur qui est très rassurante, et c'est ce que je dis à ces jeunes diplômés qui se posent des questions. C'est rassurant d'avoir peur parce que ça veut dire que vous posez des questions au quotidien sur votre place dans la société. Donc c'est plutôt rassurant. Et nous, on le voit, des personnes qui vont travailler dans le système et qui arrivent avec cette radicalité-là, elles n'auront aucune hésitation à démissionner le jour où elles ne sont plus du tout en accord avec leurs convictions, quoi. Ou leur activité n'est plus en accord avec leurs convictions. C'est une forme de sagesse même, hein. C'est une forme de sagesse parce que on a affaire à des personnes qui sont plus capables de s'écouter, de connaître aussi leurs limites, d'anticiper leurs propres faiblesses. Peut-être, ouais. Ouais. C'est une génération qui ne veut pas, qui a grandi dans l'urgence et dans l'instabilité, hein, qui a grandi avec le 11 septembre, avec la crise financière, aujourd'hui la crise écologique au-dessus de tout ça, qui a un peu peur de l'avenir, faut le dire. 75% des 16-25 ans en France considèrent l'avenir comme effrayant, c'est énorme. Donc cette peur-là aussi... C'est quoi la source de ce chiffre, Arthur, pardon ? C'est The Lancet Planetary Health. Voilà. Et c'est une étude qui a été faite en 2021, qui est parue, je crois, en septembre ou en octobre 2021, et qui révèle, c'est une étude qui a été faite auprès de 10 pays du Nord comme du Sud, chez les 16-25 ans, et qui révèle en fait qu'on est une génération très éco-anxieuse. Éco-anxieuse, c'est-à-dire qui a peur de l'avenir d'un point de vue écologique. Et c'est pas du tout lié au fait d'être dans un pays riche. Vous avez 92% des Philippins de 16-25 ans qui souffrent d'éco-anxiété, c'est énorme. Donc, c'est quoi cette éco-anxiété-là aussi nous pousse à nous questionner au quotidien pour en fait, d'un point de vue assez égoïste, hein, de pas vouloir faire de pas avoir un travail, une activité, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, qui va accélérer le désastre écologique. Après, bien sûr, on est aussi une génération qui est pleine de contradictions. Qui va à la fois militer pour le climat en marchant dans la rue, mais qui à côté de ça achète du fast fashion à tout va, quoi. Moi, je suis assez quand même confiant vis-à-vis de l'avenir, parce que cette radicalité, elle prend du terrain chez notre génération, même si c'est pas du tout la majorité aujourd'hui, mais elle prend quand même du terrain. Quand je parle de radicalité, encore pour ceux qui nous écoutent, je parle du fait d'aller à la racine du problème, et du coup d'explorer à la racine l'impact qu'on va avoir à travers nos activités professionnelles, nos activités personnelles. Cette radicalité-là, elle prend vraiment du terrain chez les jeunes diplômés et chez la génération Z de manière générale. C'est très rassurant. Et c'est ce qui nous pousse à nous questionner sur l'impact qu'ont nos activités aussi. On est dans une génération qui est aussi pleine de dissonances. Et c'est d'ailleurs c'est ça que nous reprochent aussi beaucoup de d'autres personnes, d'autres générations. Quand on parle de cette génération éco-anxieuse, on dit, de toute façon, elle est pleine de dissonances. Oui, effectivement. Mais à la fois, on a aussi grandi dans un monde plein de dissonances, à la fois avec des tickets d'avion pour partir au Maroc à 8 euros. Et des jeans qui ont fait 8 fois le tour de la Terre avant à 10 euros. Et à côté, on nous alerte sur l'urgence écologique, quoi. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est aussi important de parler de cette génération-là et du fait que moi, je suis quand même assez rassuré à quel point cette radicalité prend du terrain. Et vu qu'on est une génération ultra connectée, et Elisabeth Soulier, c'est une sociologue, elle parle de tribal, en fait, une génération tribale, elle parle de tribu. Donc, on est très connecté entre nous. Et la radicalité prend de plus en plus de place, et ça, c'est cool. Et du coup, ça veut dire que ça peut très vite se répandre comme la norme, en fait. Oui, ça montre bien aussi à quel point cette génération, elle a un pied dans le monde d'hier, qui est malheureusement encore un peu trop le monde d'aujourd'hui, mais aussi un pied dans celui de demain, qui est en fait déjà tout autour de nous et dont on a envie qu'il prenne le pas. Ouais, complètement. Je pense qu'effectivement, on est dans un entre-deux, et c'est pour ça que c'est très important aussi de mettre en avant les personnes qui font le monde de demain d'une certaine manière, déjà aujourd'hui. Tu as commencé à aborder ce sujet et j'aimerais qu'on y revienne. Moi, la question que je voulais te poser là, c'est pourquoi le nom qu'on entend prononcer par ces jeunes, hein, notamment lors des remises de diplômes successives là, qui commencent à faire de plus en plus parler, pourquoi ce nom, en fait, c'est une porte ouverte plutôt qu'un repli sur soi. Tu as parlé d'égoïsme tout à l'heure, on pourrait très bien se dire, en fait, les étudiants refusent de jouer le jeu de cette partie qu'on a presque déjà jouée pour eux, et ils pourraient du coup se dire, je vais accumuler le maximum d'argent en anticipant les coups durs, ou je vais m'inscrire à tous les stages de survivalisme pour pouvoir préparer les catastrophes à venir, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est même l'inverse, c'est un nom pour laisser la place à plein de oui. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est beau, et c'est ce que j'ai aussi voulu mettre en avant dans le film Rupture. C'est vraiment, en fait, on est une génération qui, quand je parlais, c'est pas de l'égoïsme effectivement, mais c'est le fait d'être aligné avec soi-même, et qui va, face à cette éco-anxiété aussi, vouloir trouver du plaisir dans son engagement. Et en fait, quand on regarde, c'est une génération qui, quand même, même s'il y a de l'éco-anxiété, il peut y avoir de l'éco-anxiété au quotidien, qui quand même est heureuse dans son engagement et qui prend du plaisir dans son engagement, que ce soit du militantisme, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit le fait de changer les choses de l'intérieur. En fait, c'est une génération qui va prendre du plaisir dans le fait d'avoir de l'impact et de pouvoir mesurer son impact. Et c'est quelque chose qui est super important à rappeler. C'est-à-dire que même si on sait que personne d'entre nous, en tant qu'individu, ne changera le monde, collectivement, on peut faire des choses. Et en tant qu'individu, on peut quand même avoir un impact. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout pour le fait de classer les impacts. Je suis pour le fait d'être au maximum aligné avec nos convictions et trouver notre place dans la société où on va se sentir le mieux, parce que c'est là qu'on aura le plus d'impact, on va se sentir le plus vivant. Si c'est en allant faire de la politique locale, c'est trop bien. Si c'est en allant faire de la recherche, en allant faire de l'enseignement, c'est trop bien aussi. Et en fait, on se rend compte que c'est une génération qui prend de la joie là-dedans, et c'est super important, et qui va impulser des nouveaux, enfin, tu parles de oui, c'est ça, qui va expérimenter. On est très dans l'expérimentation. Je parlais tout à l'heure du fait d'expérimenter des nouveaux business models, mais c'est aussi expérimenter un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à l'argent, justement, un nouveau rapport au confort, un nouveau rapport au temps. Ça, c'est quelque chose de très important. On a un nouveau rapport au temps où une génération qui ne veut plus, j'en fais partie, qui ne veut plus travailler 5 jours sur 7, avec des 10 heures par jour, à se cramer au boulot et en se perdant totalement. Non, c'est une génération qui veut cumuler plusieurs activités rémunératrices et non rémunératrices, en trouvant l'équilibre financier justement, en faisant du bénévolat, en peut-être plusieurs travails aussi différents, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des impacts un peu différents, qu'on va pouvoir rencontrer des gens qui vont aussi nous faire grandir sur notre engagement et qui vont nous faire avancer sur notre prise de conscience. Voilà, donc c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment très beau, cette forme d'expérimentation, et c'est pas uniquement lié à l'urgence écologique et sociale, je pense que c'est aussi un nouveau rapport au travail de manière générale. Aujourd'hui, tu as un jeune sur trois qui veut cumuler 3 activités ou plus en parallèle quoi, dans sa vie, c'est énorme. Et tu as un jeune sur 2 qui estime que le CDI a vocation à disparaître. Donc, y a vraiment un nouveau rapport au temps et à ce qu'on se considère comme étant la stabilité dans l'emploi, quoi. Comment on se fait la bascule entre cette énergie au début d'un ras-le-bol, d'une affirmation profonde de résistance, de refus, et après, comme tu le disais, la joie, l'envie de rencontrer, de s'inspirer et de grandir dans un épanouissement certain? C'est une bonne question, et je pense que cette bascule-là, elle est, et tu le sais mieux que moi, elle est très... très différente d'un individu à l'autre. Donc, il y a des personnes pour qui la bascule va se faire très rapidement au regard des témoignages qu'on a pu avoir depuis septembre. Des bascules assez rapides avec en regardant un documentaire ou en lisant un livre, et puis d'autres pour qui ça va mettre beaucoup plus de temps. Et du coup, cette courbe un peu de la colère, du deuil et puis ensuite de l'épanouissement va s'exprimer vraiment différemment d'un individu à l'autre. Moi, j'ai l'impression que la clé, un petit peu, c'est le jour où on se rend compte que on n'est pas seul, quoi. Où en fait, plein de personnes de tout âge, c'est important de le préciser, de tout âge, qui, depuis des années parfois, impulsent des nouveaux possibles, qui expérimentent des nouvelles manières de faire, qui trouvent de la joie dans le fait d'avoir un impact, dans le fait de vivre en accord avec les convictions écologiques et sociales. Et du coup, on oublie un petit peu cette urgence dans laquelle on est pour être dans l'action, avec des personnes fabuleuses. Et c'est pas des personnes qui vont forcément le crier haut et fort, quoi. Moi, on s'est installé à Rennes là, il y a 6 mois et on a rencontré une dizaine de personnes, une dizaine d'amis pour qui c'est juste normal en fait d'avoir un travail qui fait sens et qui contribue à quelque chose de bien, qui sont dans le social ou qui sont dans la technique, mais d'un point de vue écologiquement viable, et c'est beau quoi, et qui sont pas à le crier haut et fort, et du coup rien que moi auprès de ces personnes-là, je me sens vraiment bien, ça me donne énormément d'énergie, et je me sens bien auprès de ces personnes-là beaucoup beaucoup mieux auprès de personnes qui sont dans une forme de déni et qui vont me rappeler mon éco-anxiété au quotidien, même si quand bien même j'estime que c'est très important de faire des ponts et d'aller les chercher, mais il faut aussi penser à soi et c'est très important de trouver de la joie, et on peut trouver de la joie dans son engagement et dans son travail, parce qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que c'est il y a une vraie différence générationnelle sur ce sujet du rapport à la joie. Là où, depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, je gravite pas mal dans les milieux militants engagés, les ONG, et sur différents sujets, je vois que les générations précédentes, elles ont un peu érigé comme une forme absolue de résistance, la révolution violente, désobéissante, avec cette colère, cette opposition, qui en général est un peu la version ultime de l'engagement, là où j'ai l'impression que les générations d'après, les générations actuelles, elles arrivent beaucoup plus vite à arriver sur cette joie, justement, sur cette envie de remplir leur vie, sur cette envie de créer du lien, de se sentir profondément vivant par ce qui nous fait du bien, sans que ça soit futile à la fois. Est-ce que tu partages cette interprétation, et est-ce que tu saurais l'expliquer? Peut-être. Je pense que je connais beaucoup moins les milieux militants que toi. Enfin, en tout cas, ça fait moins longtemps que j'y suis. Tu vois, ça doit faire entre 5 et 7 ans que j'en côtoie. Et c'est vrai que moi, je suis toujours marqué d'aller, notamment quand tu vas chez Extinction Rebellion, quand ils font des blocages. En fait, il y a de la joie dans les blocages, quoi. Il y a plein d'AG, il y a plein de moments forts, il y a des moments émotionnels très forts aussi. Il y a une forme de collectif assez dingue, d'émulation assez dingue. Je sais pas ce que c'était il y a 40 ans, là, pour le coup. Je me souviens juste d'un témoignage d'un gars qu'on a eu il y a 3 semaines en intervention, et qui disait, et ça m'avait marqué parce que c'est un mec qui devait avoir, tu vois, 70 ans, quelque chose comme ça, qui a fait toute sa vie, en fait, c'est un écologiste dès ses 17 ans. Il est parti en Guyane pour protéger notamment les peuples autochtones, les peuples indigènes en Guyane française. Il a fait de la prison, justement, parce qu'il s'est combattu contre les désastres écologiques. Et du coup, il a été arrêté par les autorités en Amérique du Sud. Enfin, et toute sa vie, il a lutté. Il a été dans la lutte toute sa vie. Et on parlait d'éco-anxiété. Et le mec, là, prend la parole après qu'il ait témoigné. Et il dit, moi, je comprends pas l'éco-anxiété des jeunes. Vraiment, je trouve que c'est du pleurnichage. Il faut passer dans l'action. Il faut arrêter de pleurer. Il faut y aller. Et au fond, je me suis senti vraiment attaqué. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Tu ne sais pas ce que c'est d'une certaine manière. Nous, on a des jeunes qui viennent nous voir, qui ont 7-8 ans, qui nous disent « je vois plus l'intérêt de vivre ». C'est effrayant quand même, c'est effrayant d'avoir ces témoignages à 7 ou 8 ans quand ils n'ont même pas conscience de la complexité du monde et ils voient juste les animaux autour d'eux décliner, la biodiversité s'effondrer et ils ne voient même plus l'intérêt de vivre. Quoi. Bon, bref. Donc, peut-être je vais donner une once de réponse et peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais finalement, c'est peut-être cette éco-anxiété-là qui fait qu'on a une jeunesse qui veut trouver de la joie et qui a un besoin énorme de trouver de la joie parce que finalement, l'avenir, quand même, est pas très, très vert, et pas très rose. Et que du coup, on ressent le besoin très fort et urgent de se rassembler. Et moi, j'ai plein d'amis, et que ce soit des amis écolos ou non, qui me parlent du besoin qu'ils peuvent ressentir de monter un petit collectif, de se rassembler entre eux, d'être un peu autosuffisant aussi parce que c'est rassurant. Donc c'est peut-être ça finalement, c'est peut-être cette éco-anxiété, enfin ce rapport à l'avenir qui est quand même assez effrayant, qui fait qu'on ressent le besoin de trouver de la joie au quotidien. Peut-être, je sais pas. Et pourtant tu dis que face à cet avenir assez effrayant, là où plein de gens auraient démissionné, auraient abandonné, auraient renoncé, bah toi le propos que tu as avec Rupture, c'est que justement il y a encore plein de raisons de se battre, il y a encore plein de raisons d'y croire. Pourquoi toi tu y crois? Et pourquoi les exemples que tu mets en avant dans Rupture, ils montrent que, en fait, nos avenirs meilleurs, ils sont déjà tout autour de nous? J'y crois parce qu'effectivement, j'y crois quand je vois tous ces projets qui émergent un peu partout, quoi. J'y crois quand j'étais au festival du Low-Tech Lab pour célébrer les Low-Tech à Concarneau et je vois toutes ces initiatives dingues qui en fait existent depuis souvent des dizaines d'années aux quatre coins du monde, qui nous permettent de vivre dans la sobriété et dans la joie aussi et dans le confort, même si c'est un confort rudimentaire. J'y crois, donc ça je me dis en fait les initiatives elles sont là, on peut changer le système, notamment au local, il se passe plein de choses. J'y crois quand je rencontre encore une fois des générations, des personnes de tout âge qui depuis des années impulsent des nouvelles manières de faire et qu'elles se sont pas épuisées et qu'elles ont aussi réussi à trouver de la joie dans leurs engagements. Ça me rassure énormément, me dire on n'est pas seul en fait, on n'est pas nouveau là-dessus sur ce territoire. Il y a des personnes qui depuis des années déjà sont dans la lutte, mais la lutte positive d'impulser et de créer quoi. Donc moi j'ai envie d'y croire. Après il y a des moments bien sûr où j'y crois plus du tout, où je me dis mince la quête de pouvoir et d'argent de l'homme va nous bouffer. Mais quand même, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des gens qui font au quotidien, il y a des gens qui font et c'est tellement beau, quoi. Donc j'ai, bien sûr que j'ai envie d'y croire, bien sûr que j'ai envie d'y croire. Ouais. Si on fait un peu ce jeu de voyager en 2030 glorieuse, qui est cet exercice que je propose souvent, qui prend en général une bonne partie, la moitié même, de nos échanges, et là que je réservais seulement une ou deux questions à la fin. Arthur, toi, tu dirais qu'elle ressemble à quoi les études en 2030 glorieuse? C'est une bonne question. Alors, je vais te répondre telle que j'aimerais qu'elle soit. Je ne sais pas si c'est ce vers quoi on va se diriger. Je pense qu'effectivement, plus le temps passe et plus on se dirige vers ce type d'études, parce qu'on a des témoignages et que ça existe déjà, mais ça n'est pas généralisé. Moi, les études en 2030, c'est des études qui vont valoriser à fond le collectif, qui vont être où finalement l'individualisme est complètement mis de côté, l'élitisme est complètement mis de côté, au profit de projets communs, de projets de groupe, des projets qui vont aussi être très transversaux. C'est le deuxième point de ces études en 2030, où finalement, on ne va plus étudier une seule thématique. On va être dans des cours très transversaux, avec une interdisciplinarité très forte, avec des cours à la fois, ok, tu fais une école d'ingénieur, je ne sais pas si ça sera encore une école d'ingénieur, je ne sais pas si ça existera toujours, mais tu auras des cours à la fois sur la technique, mais aussi sur les sciences sociales, aussi des cours sur l'émotionnel, des cours sur la gestion des émotions, justement, sur les, peut-être des cours même sur la politique, peut-être des cours sur les médias, je ne sais pas, mais quelque chose de très large, en fait, qui vont te permettre, justement, d'avoir, d'être un peu couteau suisse pour être encore plus préparé à tout ce qui peut nous arriver et d'avoir des compétences, même dans l'artisanat, finalement, parce que c'est quelque chose de super important et il faut aussi réapprendre à utiliser nos mains et à revenir un peu à la base de tout. Donc voilà, donc cette espèce de d'interdisciplinarité qui va être très forte, de collectif très forte aussi, et de liens. Alors je sais, lien, ça noue un peu le collectif, mais pour moi ça va être des petites promos justement, parce que le collectif va être au cœur, et finalement les études ça va plus être un projet entre les enseignants et les étudiants que simplement un cours magistral où l'enseignant apprend aux étudiants. Donc notamment, moi je vais voir émerger des trucs où les enseignants, toutes les promos, en plus c'est des promos intergénérationnelles parce que c'est des gens qui vont reprendre leurs études à 40 ans, à 50 ans, et on aura des jeunes de peut-être 18 ou 20 ans, donc ça va être super fort sur ce côté intergénérationnel. Ils vont partir comme ça quelques week-ends dans l'année pour aller faire des randos et créer du lien en montagne, quoi. Et justement réapprendre un peu les bases, peut-être que ça pourra être l'occasion justement de revenir un peu à l'artisanat, etc. Enfin, voilà, donc il y aura ces moments, ces temps forts aussi. Donc j'ai parlé du collectif, j'ai parlé de l'interdisciplinarité, et je pense, alors c'est bien sûr lié aux deux premiers, il y aura une grande place dans l'émotion et dans le fait de prendre soin des autres aussi. J'ai parlé de la gestion des émotions, mais c'est quelque chose de super important, quoi. Et en fait aujourd'hui c'est un peu ce qui est fait au sein des promos, un peu à l'arrache comme on peut, essayer de créer du lien, d'en parler, et les écoles de demain, elles seront capables de prendre ça en compte et de mettre l'émotion au cœur et de valoriser les individus tels qu'ils sont pour les compétences qu'ils ont et les facultés émotionnelles qu'ils et elles ont. Est-ce que finalement, en 2030 Glorieuse, les études, elles ne seront pas en fait dans une sorte d'accompagnement tout au long de nos vies? Est-ce que en 2030 Glorieuse, on arrêterait de percevoir les études comme un passage obligé qui nous met dans les bonnes dispositions pour assurer un travail, mais qu'au contraire, on ne les verrait pas comme une nécessité de remettre de manière régulière sur le métier nos connaissances, tu le disais, nos émotions, de manière à toujours évoluer dans un monde qui va lui être de plus en plus changeant. Ouais. J'espère tellement effectivement que là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a, comme je te le disais encore une fois, je reviens à cette éco-anxiété au quotidien, cette jeunesse qui arrive et qui en fait à qui on impose de rester 8 heures par jour derrière un bureau à écouter un prof. Et en fait, c'est une jeunesse qui a besoin d'être dans l'action pour contribuer justement, pour avoir un impact en fait dans ce monde. Et j'ai suivi un jeune dans le film qui s'appelle Melvin qui a tout à fait la tête sur les épaules, qui est un jeune brillant et qui a décidé d'arrêter ses études après le bac, qui a juste passé le bac, parce qu'il n'en pouvait plus de rester derrière un bureau et de les bras croisés, qu'il avait besoin de faire, il avait besoin d'expérimenter, donc il a décidé de s'auto-former pendant 4 ans, mais une auto-formation du faire. Donc voilà, il a fait ce qu'on appelle du woofing. Le woofing, c'est le fait de partir, de faire du bénévolat dans des fermes maraîchères. Il s'est auto-formé aussi en éco-construction, en allant faire aussi des stages de bénévolat pour construire des maisons autonomes et des maisons et des habitats légers. Il apprend en même temps qu'il fait, quoi. Et c'est vrai que moi, j'espère tellement qu'en 2030 Glorieuse, on aura un enseignement, comme tu dis, qui sera tout au long de la vie, où à la fois on fera et à la fois on apprendra aux côtés de personnes qui peut-être seront plus, mais tout en faisant. C'est un peu une nouvelle manière d'apprendre pour justement, dès son plus jeune âge, apporter, parce que je pense que n'importe quel individu, à n'importe quel âge, peut apporter quelque chose à la société. Et je pense que c'est très important de le valoriser plutôt que de se dire, on va vous mettre 20 ans, parfois 30 ans derrière les bancs de l'école. Peut-être qu'on pourrait trouver un équilibre, effectivement, entre agir et apprendre. Ouais, c'est absolument passionnant. Ça, moi, me donne envie, en sachant à quel point, pour moi, les études, ça a été un long chemin de croix. Et que c'est finalement la dernière année de mes études que je me suis senti à ma place et enfin heureux d'être là et de me dire que il m'a fallu autant de temps pour ressentir ce sentiment, pour avoir ce sentiment, et que même parfois ce sentiment d'accomplissement, il est refusé, il est absent de cette première partie de la vie de tellement de gens, ça me rend fou, moi. Ça me rend vraiment fou. Arthur, là, de tout ce qu'on a dit, et là, en l'occurrence, de ta belle vision à quoi pourraient ressembler les études en 2030 glorieuses, qu'est-ce que tu as envie de conseiller pour les personnes qui nous écoutent pour la faire advenir, cette vision, comment elle pourrait se mettre tout de suite dans l'action pour qu'on ait des études autrement plus épanouissantes dès aujourd'hui, en fait? Eh ben, ouais, je pense que le conseil que je donnerais, c'est un peu un conseil bateau, mais c'est questionnez-vous sans cesse au quotidien sur, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez faire, à quoi est-ce que vous voulez participer dans ce monde, et surtout, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend vivant, et voilà, de quoi est-ce que vous avez besoin pour être heureux, quoi. C'est un peu bateau, mais je pense que c'est très important en essayant au maximum de mettre de côté les injonctions sociales et financières qu'on peut avoir dans ce monde, et se dire au fond, mais vraiment, qu'est-ce qui nous anime, quoi. Et c'est vraiment pas simple de mettre de côté toutes ces injonctions-là, mais je pense que c'est nécessaire, et c'est la même chose pour les activités, pour notre travail. Bon, encore une fois, le rapport au travail va évoluer, je pense que c'est important de se questionner, enfin, si par exemple il nous restait 5 ans à vivre, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi? Tout en, bien sûr, en jonglant avec aussi les réalités financières de chacun, et on n'est pas tous au même niveau par rapport à tout ça. Comment trouver l'équilibre financier, mais en même temps faire ce qui nous passionne, que ce soit du bénévolat, que ce soit des activités rémunératrices, que ce soit l'entrepreneuriat, enfin bon, il y a plein de choses à faire, de la politique, et on peut vraiment expérimenter plein de choses, et trouver de la joie dans le cumul de toutes ces activités-là, j'en suis convaincu. Il y a de plus en plus de formations qui intègrent avec ambition ces enjeux écologiques. Je participe notamment à l'Institut Transition à Lyon qui je pense, fait partie des belles entités aujourd'hui qui proposent des pistes de formation pour les gens qui veulent se mettre au service de ce que moi j'appelle les 2030 glorieuses. Mais malheureusement, toutes les formations ne sont pas comme ça. Qu'est-ce que tu suggérerais aussi peut-être aux personnes qui sont dans des cursus lancés dans lesquels ils vont s'épanouir, mais dont ils sentent que les écoles, elles, n'ont pas intégré pleinement les enjeux écologiques et sociaux. Et est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire dès à présent pour transformer les structures, pour transformer les cursus, pour transformer la manière dont sont formés les professeurs même, etc. Merci de cette question, c'est très intéressant et il y a plein de choses à faire. Moi, je répéterai collectif, collectif, collectif. C'est-à-dire qu'il faut tout seul, on ne va pas très loin, c'est compliqué de faire des choses. Il faut réussir à se rassembler avec des enseignants, avec des membres de l'école, peut-être avec même des membres des directeurs, directrices, qui ont aussi ces convictions-là, qui veulent aussi transformer l'école, transformer les cursus, transformer l'établissement. Monter déjà ce collectif-là et puis réfléchir ensemble avec aussi des alumni potentiellement à ce qui peut être fait au sein de l'école. Et après, ça peut se matérialiser par... Il y a beaucoup d'écoles qui mettent ça en place de plus en plus et je trouve ça très intéressant. Par exemple, 3 jours de formation. Alors, l'INSA Lyon, ils ont fait ça là en début juin. 3 jours de formation gratuits, organisés donc par des étudiants et des enseignants à destination de tous les enseignants d'école d'ingénieurs pour les former aux enjeux de la transition. Et je trouve ça super intéressant, quoi, pendant 3 jours, de juste se mettre autour de la table. Ils ont fait venir des intervenants passionnants pour parler qu'est-ce que va être l'école d'ingénieurs de demain, quoi, grosso modo. Et je trouve ça super intéressant de prendre ces temps-là, quoi. Et voilà, donc prendre le temps et puis impulser les choses et puis ne pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de ressources qui existent si vous êtes étudiant, étudiante. Allez regarder un petit peu plus près ce que font Pour un réveil écologique, notamment. C'est une association d'étudiants et d'alumni qui veulent transformer les cursus, entre autres. Ils ont beaucoup de ressources sur leur site internet. Il y a d'autres associations comme Together for Earth, comme le RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire qui fait beaucoup de choses. Voilà, donc se rapprocher aussi de ces structures-là qui sont dans d'autres établissements, dans d'autres cursus, qui ont déjà fait des choses dans leurs écoles pour accélérer la transformation, quoi. Ouais, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour aller un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation en continu, alors il y a forcément ton documentaire Rupture avec un S disponible qui est actuellement disponible sur Spicy, mais si je dis pas de bêtises, il va bientôt arriver sur Imago. Mais est-ce que tu as d'autres ressources que tu nous recommanderais particulièrement là pour continuer à creuser cette question de l'emploi de demain et des études de demain? Merci. Ouais, Rupture sera un jour ou l'autre, bien sûr, en libre accès. C'est très important, je pense, d'ici la fin 2022. On se laisse encore un peu de temps pour essayer de convaincre une chaîne, tout simplement pour le diffuser sur une chaîne, pour essayer de toucher encore plus de monde. D'autres ressources, alors moi, je lis pas beaucoup. Je lis, je pense, 2 livres par an. Mais il y a quand même un livre que je conseille qui est vraiment, qui moi, m'a pris aux tripes et qui est surtout, je trouve, vraiment met le doigt sur ce que je ressens en tant que jeune de 25 ans en France aujourd'hui. Et ça s'appelle Va te faire vivre. Voilà, ça a été écrit par 3 potes qui s'appellent Mao, Matt et la dernière, Justine, pardon. Voilà, j'ai toujours du mal à retenir leurs 3 prénoms. Ces 3 potes, voilà, ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent un plan à 3. Et Va te faire vivre, c'est vraiment un super livre pour justement pour trouver de la joie, notamment dans sa vie. Par rapport aux emplois de demain, moi, j'ai pas de clé par rapport à tout ça. J'ai pas beaucoup de ressources, mais justement dans Va te faire vivre, t'as plein de ressources. Ben, je crois que chaque page, t'as au moins un documentaire ou un livre qui est cité, qui est super intéressant. Donc je ne peux que qu'encourager tout le monde à aller voir. Et puis il y avait une des personnes que tu as suivies, hein, si je dis pas de bêtises, Maxime. Oui, ouais. Basculons, bien sûr. Oh là là, la honte, je le dis même pas. Donc il y a Maxime que j'ai suivi dans le film aussi, qui a coécrit un livre avec Tanguy Descamps qui s'appelle Basculons dans un monde vivable. Et en fait, c'est un recueil de 30 témoignages de bascule, 30 jeunes qui ont basculé et qui ont décidé de se mettre au service de l'urgence écologique et sociale. Donc c'est super intéressant parce qu'on découvre des parcours de vie très intéressants. Il y a aussi 17 témoignages d'experts et d'expertes de la transition qui sont plus âgés, donc Pablo Servigne, différents Arthur Keller, etc. Donc c'est un super recueil. Et puis en termes de parce que on parle beaucoup d'imaginaire et je trouve qu'il faut s'inspirer de ce qui est fait et de personnes qui ont trouvé les équilibres. Ça me fait aussi penser aux pépites vertes de Claire Pétreau. Les pépites vertes, c'est pareil, vous pouvez aller voir sur le site internet, vous avez beaucoup de témoignages de personnes qui se sont mis au service du bien commun, et c'est très intéressant de creuser un peu sur les manières dont ils ont trouvé les équilibres. Voilà. Après, en termes de communauté, parce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup la question qu'on a, c'est ouais, mais de qui est-ce qu'on peut se rapprocher si on se sent un petit peu seul? Il y a beaucoup de communautés, de réseaux qui existent. Vous avez le réseau des paumés de Make Sense. Alors ça dépend des villes, hein. Ils sont pas dans toutes les villes, mais il y a quand même dans certaines villes, ils sont très actifs, où ils se rassemblent, ils font des apéros paumés pour discuter un peu de, bah, justement, de comment trouver sa place dans la société. C'est super intéressant. Vous avez les shifters aussi enfin, qui a été monté avec le Shift Project, en parallèle du Shift Project, qui est aussi assez actif. Et je pense que c'est à peu près tout. Puis après, les réseaux, bien sûr, d'alumni des écoles, qui sont aussi très actifs, quoi. Alumni en transition, etc. quoi. Merci Arthur. Merci à toi Julien. Ça y est, cette interview avec Arthur Gosset vient de se terminer. Je suis trop content là. Vraiment, le format un peu spécial pour cet été, je le trouve hyper bien, très approprié pour une prise de recul et marquer à la fois une coupure un peu dans le podcast, parce que j'ai un peu peur moi de temps en temps qu'on s'habitue à tous ces profils extraordinaires que je vous partage et tous ces métiers hyper enthousiasmants qui feront les 2030 glorieuses et qu'à force on leur consacre plus suffisamment d'attention parce qu'ils arrivent toutes les 2 semaines dans vos oreilles, et à la fois je trouve que de temps en temps on a aussi besoin de porter un regard différent, d'être à une échelle différente aussi pour aborder ces questions et pour se laisser imprégner de ces réflexions. Et là, en l'occurrence, le témoignage d'Arthur, il est vraiment passionnant. Sa démarche avec le documentaire et la mise en avant des personnes qui ont décidé, même pendant leurs études ou juste après leur diplôme, de bifurquer, de déserter. On a utilisé plein de mots pour le qualifier, mais c'est moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre. Ça a confirmé pas mal de choses autour desquelles je commence à tourner. Et ça, c'est grâce à toutes les interviews avec les personnes inspirantes des 2030 Glorieuses. Mais voilà, de les poser là sur la table et de les discuter avec des gens qui ont aussi cheminé sur ces sujets, je trouve que c'est vraiment enrichissant et j'espère que ça vous fait du bien. On va continuer. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais Arthur nous parlait de Claire Pétreau et des pépites vertes. Ben, Claire, elle fait partie des personnes à qui je vais donner la parole. Donc, guettez cette interview aussi qui s'annonce passionnante. Et moi, forcément, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite là pour de nouveaux épisodes en 2030 Glorieuses. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous.